Alors, le fameux NIE, c'était quoi? Ça a servi de quoi? De brochure pour vendre l'idée? Un NIE, c'est censé être un résumé de toutes les informations rassemblées. Je n'étais même pas au courant qu'ils avaient déjà fait un brouillon de NIE. Curveball n'était pas une source à nous, vous voyez? C'était une source DHS, le service HUMINT, Human Intelligence, renseignement humain de la défense. Donc, jusqu'à ce que ces gens-là se pointent, nous n'étions pas du tout impliqués dans cette affaire. Ils ont voulu qu'on authentifie Curveball. Qui est-ce qui vous demande ça? Tenet me l'a demandé, lui le premier. Qu'est-ce qu'il dit? Tout est dans le rapport Silberman Rob. Fin septembre, il me demande d'aller voir les types qui s'occupent de Curveball. En fait, il le dit à Jim Pavitt, Jim me l'a dit à moi. Il m'a dit, va poser des questions sur ce transfuge, le transfuge des armes biologiques. Je ne savais pas qui c'était, mais je ne voulais pas lui dire, mais je ne sais pas qui c'est. Donc je suis rentré, j'ai demandé à mes agents exécutifs, qui c'est ce gars qui a changé de bord en 1999? Curveball, quoi. Comment est-ce qu'on a choisi ce nom de Curveball? Curveball est un nom qui lui est venu des Allemands. Ça vient pas du vocabulaire du baseball? Non, les Allemands utilisent le suffixe ball dans beaucoup de leurs noms de code. Nous avons fait des recherches et on a trouvé que très tôt, je crois dès le mois de septembre 2000, le chef du renseignement allemand prévenait déjà qu'il ne pouvait pas confirmer les dires de cet individu. Pendant ce temps, la DIA avait sorti au moins 100 rapports basés sur les infos qu'il avait fournies. Ces rapports ont atterri dans les mains des analystes aux postes pertinents, chez des gens de la communauté du renseignement américain. Et ils sont devenus des pièces de la guerre en Irak, même si on en a oublié les détails particuliers. Mais au tout début, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'ils avaient des labos mobiles pour le développement d'armes biologiques et fabriquaient ces armes bio, et qu'il y avait eu un accident où il avait vu des types mourir. C'était des descriptions très précises de cet endroit où, soi-disant, il travaillait. Ce qui est crucial, c'est que ce que je dis à tout le monde quand on parle de ça, c'est que la façon dont on raconte l'histoire aujourd'hui laisse croire qu'ils ont obtenu toutes ces informations en provenance de l'agence, par le biais du NIE. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit, Mon Dieu, les Irakiens se préparent à nous attaquer. Mais ce n'est pas vrai. Si vous regardez bien les déclarations de l'administration à propos de ce danger, elles datent toutes d'avant le NIE. Le NIE est devenu important parce que c'est le résultat de cette idée. On va rassembler tout ce qu'on a et on verra mieux ce que ça donne. Et d'autre part, l'autre aspect important de tout ça, c'est que le NIE est bourré de doutes. L'INR, le Bureau du renseignement et de la recherche du département d'État, avait exprimé dans le NIE de très fortes réserves. Les gens disent peut-être, mais les dirigeants n'ont pas le temps, ils ne peuvent lire que les gros titres des documents comme ça. Possible. Mais si vous vous préparez à partir en guerre, un document comme ça, vous feriez mieux d'en lire plus que les gros titres. Si vous avez vraiment l'intention de partir en guerre, de mettre des vies en jeu comme ça, il faut que vous ayez une image claire de ce que vous faites. Il vaut mieux que vous ayez réfléchi à la manière de s'y prendre. Pour moi, c'est ça, l'histoire du NIE. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Quelles que soient leurs raisons, et je ne peux pas lire dans leurs pensées, je crois que beaucoup d'entre eux pensaient vraiment, honnêtement, qu'une défaite de l'Irak allait signifier la démocratie dans cette région et allait mettre fin au terrorisme. Je pense qu'ils le croyaient réellement. Quelle qu'en soit la raison, je crois qu'il voulait vraiment y aller. Le plan, c'était de mettre l'Irak KO. Mais ce n'est pas eux qui ont écrit le NIE. Non, c'est le WINPAC, le Centre de contrôle et de renseignement sur l'armement et de la non-prolifération, et les analystes de l'agence qui l'ont écrit. Mais ceci dit, mais pourquoi les analystes, pourquoi le WINPAC aurait-il... Parce que c'est une bureaucratie. On a eu le cas d'un officier qui travaillait sur les opérations irakiennes, disant à mes chefs de cellule, je vous parle de ça en octobre, Écoutez, on a des informations qui contredisent tout ça. C'est pas une histoire de renseignement, c'est pas une histoire d'armes de destruction massive à ce niveau-là. C'est une histoire de changement de régime. C'était un pari aussi que lorsqu'on arriverait sur place, on trouverait toutes ces choses. Et le plus étonnant, je vous dis ça, ça me donne l'air d'un imbécile, mais j'étais persuadé qu'ils avaient d'autres sources là-dessus. Il ne pouvait pas y avoir que Curveball. Mais si.